mangerai mon étude de fouille. On aide de la travaille, la plus on est des failles. Peignez à tous les doigts, parce que mon étude de fouille. La diète contre la fouille, les couilles des rouilles, mal de crivouille. Donc ta travaille, c'est beau. Pourtant, tu sais bien que moi, j'ai jamais dû ne te mettre.